Bien bonjour tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir d'être là, bien sûr, à vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Cette semaine, on va entendre entre autres du Danny Boudreau, du Lisa Leblanc. Il y aura aussi Vichten, l'album de la semaine, Horizon, très bon album. On va entendre aussi du Ronnie Ray, du Gabriel Goulet. Il y a une nouveauté de la semaine côté instrumental, c'est Marie-Véronique Bourque, très intéressant. On va entendre aussi du Alpha Toshinesa, du Postscript, Robert Walsh et bien d'autres. Donc restez là. Je vous reviens avec le Bloc des Maritimes, bien sûr, à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. L'excellente musique s'en vient dans quelques instants, mais comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous et de vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Isabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup, directeur et directrice de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador. CKGM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CIFA Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, la radio de l'Université d'Ottawa, CHUOFM. Il y a aussi CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg au Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Beau bonjour à tous les auditeurs dans ces coins de pays-là. Et bien entendu, si vous avez des commentaires, des suggestions, même des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à Canrock, cdn@commercial.gmail.com. Allons-y avec le Bloc des Maritimes, en fin de semaine qui s'en vient, là, le 19, 20, 21. C'est le sixième Gala Country au Québec, plus précisément au Casino du Mont-Tremblant, animé par MC Gilles. Et il y a de bons artistes acadiens qui sont en nomination dans plusieurs catégories, dont auteur, compositeur, interprète. Il y a la charmante Amélie Hall qu'on va entendre avec Au bout du monde. Elle a plusieurs nominations dans plusieurs catégories. Donc, on va l'entendre dans quelques instants. Mais juste avant, un autre qui est en nomination, c'est Danny Boudreau. On l'écoute avec Avant l'hiver. Tourne les feuilles, tourne comme tourne un enfant qui se croit l'œil de l'ouragan. Toutes les couleurs de l'univers se sont rassemblées tout à l'heure avant l'hiver et ses froideurs. Moi, je n'ai pas peur de l'hiver, de ses rafales, ses poudreries. Moi, je n'ai pas peur de l'hiver, et les grands vents du bord de mer. Je m'en languis, c'est un peu qui je suis.

suis le soleil à l'horizon. Je vais tous les villages de fond en grand. Je te cherche au bout du monde. Au bout du monde. De son album Cultiver l'amour, Amélie Hall et Au bout du monde, excellente chanson, mesdames et messieurs. En 2019, c'est le Congrès mondial acadien qui aura lieu en Acadie et j'ai un petit vidéoclip sur ma page Facebook de CanRock. Allez faire un tour pour découvrir beaucoup de nouvelles, beaucoup d'informations sur la musique franco-canadienne. Vous allez à CanRock, C-A-N, Trédillon, R-O-C-K sur Facebook et vous allez tomber dessus, ça c'est certain. Donc, comme je disais, il y a un petit clip de promotion qui nous parle du Congrès mondial acadien qui s'en vient en 2019, juillet août 2019. Et puis, c'est tout simplement Emmanuel Leblanc qui est là. Il y a Lisa Leblanc, Joseph Edgar et aussi Georges Béliveau. On est dans les préparatifs, vous allez voir, mais c'est quand même intéressant ce qui se dresse à l'horizon pour ce Congrès mondial acadien-là. Donc, je sais que Lisa Leblanc est en sabbatique, mais c'est pour travailler sur le 15 août qui aura lieu du côté de, si je ne me trompe pas, de Moncton. Donc, allez voir ce petit clip-là, assez intéressant, merci. Parlant de Lisa Leblanc, on va justement l'écouter avec Tiga, ça s'en vient dans quelques instants. Il y a aussi Joseph Edgar qui se pointe à l'horizon avec tout simplement Jusqu'au bout. Et on va terminer ça avec un gars que j'apprécie énormément. J'aime son style de country. C'est M. Georges Béliveau et le GB Band. Avec, je vais essayer de prononcer ça comme du monde sans maganer ça. Grand verre de Chuck Affair. Ça s'en vient également dans quelques instants. Mais on commence ce petit bloc-là sur le Congrès mondial acadien. N'oubliez pas ça, 2019. Allez voir ça sur ma page Facebook. Ça commence maintenant avec Lisa Leblanc et voici Tiga. We'll be right back. pour sortir. Lorsqu'il a appris que tu étais parti. Et puis les nuages, ce sont eux qui ont gagné. Oui, les nuages, ce sont eux qui ont gagné. Oh, come on, baby, now, bring back the sunlight. Oh, come on, baby, now, turn around, bring back the sunshine. Oh, come on, baby, now, bring back the sunlight. Oh, come on, baby, now, turn around, bring back the sunshine. Ça m'a pas pris deux heures pour que le monde jusqu'on est. Il savait que t'aurais peur, il s'est mis à te chercher. Oh non, plus de téléphone, oh non, plus de courant partout. Voyait même pas le trottoir, il nageait, nageait sur la route. Oh, come on baby now, bring back the sunlight. Oh, come on baby now, turn around, bring back the sunshine. Café. 10 ans, ça s'en va boire. Elle quitte nous savoir. Passe de parachute à cloud. Tout le monde est le phare. Prendre une photo avec les stars. Hanging ça sur le bar. Avec un autographe qui certifie le fait que je bois moins de la grog. Même team et chum et ma famille se donne rhum dans. Mais j'admets quand même, j'ai goûté. Rien que des tempos faciles. Ça goûte encore bien. Yeah, ça goûte encore bien. Yeah, ça goûte encore bien. Yeah, ça goûte encore bien. Yeah, ça goûte encore bien. Yeah, ça goûte encore bien. Yeah, ça goûte encore bien. Yeah, baby, yeah, ça encore goûte bien. Mon meilleur chum est un alcoolique. Il m'a scellé à pour le prix d'une drink. Mon cabure et mon âme qui ont des alcooliques. Lorsque les restos, les gars sont pink. Ma chouette, y'en a jugé le monde. Parce que je bois mon thé, puis je fume des bombes. C'est ce que le cheese est avec moi à soi. Baby, le temps va pour toi. J'aurai un grand verre et du café. Garage, one pong et glace dedans. J'aurai un grand verre et du café. Un grand verre, un grand verre, un grand verre, de café. J'aurai un grand verre de café. Faut des grands de café. Tout le monde lève les bras. Tout le monde lève les bras. J'aurai un grand verre de café. Come on. Faut des grands de café. Oh, oh, oh, tout le monde lève les bras. Yeah, tout le monde lève les bras. J'aurai un grand verre de café. Faut des grands de café. Oh, oh, brun, rouge, blanc, vert. Grand verre de Chuck Affair, Georges Béliveau. Juste avant, c'était M. Joseph Edgar et aussi Lisa Leblanc. Ils sont tous impliqués dans le Congrès mondial acadien en 2019. Allez faire un tour sur cma2019.ca. Tous les détails s'y retrouvent. Et c'est du 10 au 24 août, je disais juillet, mais c'est du 10 au 24 août, l'île du Prince-Édouard, le sud du Nouveau-Brunswick, sud-est du Nouveau-Brunswick. Donc, Congrès mondial acadien 2019. Donc, ça s'en vient à très grands pas. On prépare déjà les choses et on nous en promet plein la gueule, comme on dit. Donc, ça risque d'être intéressant du 10 au 24 août du côté de l'île du Prince-Édouard et du sud-est du Nouveau-Brunswick. On va terminer ça avec M. Claude Cormier, bon copain à moi, qui a sorti un nouvel album. Ça s'appelle tout simplement « Garde ton accent », un très bon album que je vais écouter, bien sûr, et vous en faire part dans un commentaire de disque très, très bientôt. Claude Cormier, qui est des îles de la Madeleine, que j'ai croisé souvent en France, entre autres, lorsque je m'occupais de Michel Russell. C'est un gars très sympathique, bien le fun, qui fait de l'excellente musique, vraiment assez intéressant. J'aimais bien son premier extrait puis ses autres chansons. Mais la pièce titre de son album qui vient de sortir, faite claudecormier.com, si je ne me trompe pas, ou Claude Cormier sur Facebook, vous allez découvrir son univers. C'est vraiment une très bonne chanson avec un très beau texte. Ça s'appelle « Garde ton accent ». Voici l'auteur, compositeur, interprète des îles de la Madeleine, M. Claude Cormier, avec la pièce titre de son album. Petit garçon, viens donc ici, faut que je te parle un instant. T'as quand même à faire peur que tu ouvres, t'as perdu ton accent. C'est bien qu'on est sur la Guillotin, pas mal loin de nos racines. Mais faut dire quand même pas que tu parles comme les gens de la Guillonville. Garde ton accent. Ma Guillon, faut donner, j'ai subi ma femme avant hier. Je l'écoutais pas l'envier au téléphone avec son fiat. J'ai cru ma part se voir qu'elle a changé ses expressions. Lorsqu'a pris en défaut pli quand elle est out de la maison. Garde ton accent. Garde ton accent, c'est important, tu dois rester en Yassiné. On n'est pas trop de pas où chez vous. C'est de la culture, point c'est tout. Car ton accent est sois-en fier de partager ton univers. C'est une richesse incalculable, c'est un cadeau inestimable. Garde ton accent. Dans le fond d'un bord, j'ai vu un chum du secondaire. Les deux bureaux dans les airs, il m'a crié, viens pion une bière. Le pauvre job derrière le comptoir pouvait pas nous comprendre. À battre gelé de la sorte, chanceux qui nous monte pas la porte. Garde ton accent. C'est ma parole et c'est en qui jamais je voulais changer. Nos pures pères ont laissé un patrimoine articulé. Vieux mots acadiens qui ont forgé l'identité. Le peuple fort et fier vivant dans l'insularité. Et je garde mon accent. Garde ton accent, c'est important, tu dois rester enraciné. Dans les patois de par où chez vous, c'est de la culture, point c'est tout. Garde ton accent et sois-en fier de partager ton univers. C'est une richesse incalculable, c'est un cadeau inestimable. Garde ton accent. Garde ton accent, c'est important. Tu dois rester enraciné. Dans les patois de par chez vous, c'est de la culture, point c'est tout. Garde ton accent et sois-en fier de partager ton univers. C'est une richesse incalculable, c'est un cadeau inestimable. Garde ton accent.